cosa adulta, tan gioia. Du temps. Et oui, bien, nous on perd pas de temps en fait, puisque nous sommes là pour non pas une heure mais deux, jusqu'à 22 heures sur Campus 106,6. Pyongyang, c'est Tiro Kers numéro 271 avec une pléiade de vedettes ce soir. Ils sont venus, ils sont tous là, il y a même PA le fils maudit. Avec des cadeaux plein les bras, et c'est vrai. J'ai eu un petit JMKE, là, c'est bien, merci. Oui, mais avancé, j'ai du très bon. Non, mais là, on t'entend rien. Mais le micro, là, putain. C'est vrai, il y a du pâté pour tout le monde. Ah ouais, et tu pourrais. En fait, les gens. Alors, je vais donner un principe général, c'est que quand il y a un micro devant soi, on parle dans le micro et pas sur le côté du micro. C'est vrai que la forme est un petit peu. Donc, vous voilà. Êtes bien à l'écoute. Ah, il rigole, mais. Du meilleur bordel de la bande FM à l'est de la Dole, Pyongyang City Rockers, ce soir. Donc, non seulement PA du bistrot des nazes, ancien écrasant la vermine, bravo, ancien plurisant. Ah ouais, actuel Droubise Radio. Oui, Droubise Radio, une des meilleures émissions, la meilleure émission. La meilleure. On est d'accord. Non, après, je le relive. Mais il est plus régulier que moi, donc c'est la meilleure. Ah bah voilà. Par le nombre. J'écrase comme ça. Nous avons l'équipe de Psychrofort, jeune groupe lillois qui fait du punk. Jeune, ouais. Ouais. Bah oui, si. Et qui va bientôt sortir son premier album. Enfin, il n'y a pas toute l'équipe, leur batteur est absent vu que il est chargé d'âme. Et donc les autres sont venus pour boire sa part alors que le bar est ouvert. Absolument. Et couler le jeu à flot. Et enfin nous avons Vincent Raya Stencil, le monsieur qui fait des pochoirs pas plus tard qu'hier au Lyoté, paraît-il. Oui. J'ai vu des photos. On a vu des photos de bières renversées, ouais, effectivement. Oh. C'était chez le coiffeur, ça. J'ai vu aussi une séance coiffeur, tout à fait. Et c'est pas la musique encore. Donc voilà, donc on est là pour deux heures, on va essayer de se démerder sans manger dans le studio et en passant à la fois de la musique et puis en discutant de choses et d'autres. Tiens quand même à s'excuser auprès des auditeurs de la semaine dernière qui n'ont pas pu nous entendre, qui ont eu malheureusement... Jean-Damien. Non, même pas. Malheureusement, une programmation automatique. Faut pas le dire. Je suis sûr qu'ils ont écouté des trucs comme. Première chose. Voilà. Première chose, rendons hommage à John Wilkinson, dit Wilco Johnson, décédé lundi soir. C'était le guitariste de Dr. Feelgood, mon cher Jérém. Ça y est, il lève son doigt, ça veut dire qu'il a trouvé le petit MP3. On a 11 publics. C'était le. Ouais, c'est flippant, il nous regarde derrière. On a l'impression d'être aux os. Dr. Feelgood, une des pointures du pub rock des années 70. Ah, on nous jette des cahuètes, hein, putain. Aïe. Et le pub rock, c'est une des racines du punk. Voilà, ensuite, il a fait une carrière solo le à partir rock. De. Le pub rock. Le pub rock. Ouais, il jouait du rock dans les pubs. Alors c'est du pub rock, tu vois, c'est du rock comme à Limerick. Enfin lui, il était de Canvey Island, à l'ouest, à l'est de Londres. Bref, ensuite il a fait une carrière solo. J'ai l'impression d'être dans la Starac depuis qu'il est là. Un des trucs de Wilco Johnson, c'est qu'il était donné pour mort en 2013. Oui, et d'ailleurs personne croyait que c'était une vraie info. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs une fausse info puisqu'il n'était pas mort. Celle d'avant, mais aujourd'hui. Ouais, en 2013, il était diagnostiqué en phase terminale de cancer du pancréas. Il a décidé de pas faire sa chimio et puis de repartir faire de la musique. Voilà. Mais il a profité, c'est bien. Et puis il a guéri. Il a fait ce qu'il voulait. Voilà. Comme quoi, ne faites pas votre chimio. Mais encore aujourd'hui, j'ai encore vu des messages aujourd'hui. Mais non, fake news. Et au final, si. Si, si, bah ouais. Il est mort par trois fois, le mec. C'est ce que je viens de dire. Bref, là il est vraiment mouru. Je vous ai fait une petite sélection ce soir. C'est le mythique live de Dr. Phil Good en France pour la télé française en 1976 sur FR3. Ouf. Oui, français. Un petit truc tourné dans la cour de l'école élémentaire Albert Rognard de Pithiviers. Pithiviers, mon cher. Oui. Bah, attends, ça me fait penser à cette espèce de. Tu sais, moi, depuis que j'ai vu Terran dans une cour d'école à Marly. C'était d'ailleurs devant un public non seulement de jeunes, mais aussi de grands-mères et des gosses en bas âge. Et tu vois tout le monde comme ça, ils sont en vacances, c'est le mois d'août, c'est cool. Et puis il y a la FR3 qui ramène. C'est Jacques Martin local, quoi. Ouais, ouais. Et puis ils y vont comme si c'était un gros festoche de fou. On peut trouver ça sur YouTube par exemple. Bref, c'est ça le rock. Non, mais par contre, ils y vont à fond les caisses. RIP Wilco Johnson, voici Dr. Phil Good avec Going Back Home. C'était donc Dr. Phil Good, on rigole, hein, mais on rit pas du décès de quelqu'un qui a donné beaucoup pour le rock'n'roll. Si ce genre de musique vous intéresse et vous fait danser comme moi, vous pourrez assister à le même genre de truc. Samedi. Au Lyoté samedi soir, il y aura Oil City Band qui font entre autres des reprises de Phil Good et qui les font, ma foi, fort bien. Et hein, quand ils font de la compo, c'est à la Phil Good aussi. Ça le fait, hein, du mon pump rock franco-belge. Ouais, c'est ça. Un groupe qui se partage entre quoi, Menin, Bah, avec ouais. Par là, tous ces trucs-là. Ouais, c'est chaud. Bon, c'est pile les... Bon, bah, tu aussi, t'es de Lille, mais t'es parti. Loin. Est-ce que c'est beau? Oui, oui, c'est loin, mais c'est beau, c'est sûr. Bon. En tout cas, c'est mieux. Alors, PA, ça fait longtemps que t'es pas venu dans l'émission. Un an. Un an et quelques. Un an, ouais. Seulement un an. Ouais. Putain, j'ai bah ouais, il fait comme Will, il fait comme... Une fois par an. On a des abonnés comme ça. C'est beau, hein. Et puis bientôt, dans un an, Vincent passera aussi. C'est noté. Dans un mois, parce ouais. Voilà. Mais c'est pas la... Audrey, c'est pas la peine de parler, il a pas mis ton micro, je sais pas, il t'en veut ce soir. Hein. C'est vrai, je vais encore obligé de faire la saturation. Pardon, la technique. J'attendais qu'elle soit bien assise sur ses fesses. Alors le bistrot des nazes, c'est bien. C'est naze. Déjà 21 numéros. Déjà 21 numéros, ouais, ça fait 2 ans que ça dure. Et l'année dernière, Droguiz Radio m'a accepté en son sein. Donc une fois tous les 4 lundis, ben, j'ai la chance d'être diffusé sur www.droguiz.org. Et le vendredi qui suit, ben, je le dépose sur Mixcloud pour dire que ça reste jusqu'à l'éternité entière. Donc aussi, tu t'es fait avoir par Mixcloud ? Oui, bah à cause de votre faute, hein. Ouais, parce que je savais pas trop où aller, j'étais perdu. J'étais persuadé la bonne foi de Monsieur Mixcloud. Bah oui, moi aussi. Oui. Genre, et donc j'en ai vendu. Bah oui. Et maintenant il faut trouver un autre hébergement. Oui, va falloir y venir. Ouais. Donc ça fait chier, mais bon pour l'instant c'est là. Hein. Bon, ouais. Toi ça va, toi t'es sur Droguiz, il y a peut-être donc, une solution. Les gens qui connaîtraient pas encore Bistrot des Nazes, on leur pardonne, mais on leur explique quand même. C'est une émission qui fait à peu près 1h30. C'est ça. Genre, hein, tu t'es pas vraiment à cheval sur les il secondes. Il a un créneau de 2 heures, donc je peux y aller, petit à petit, je vais vraiment me limiter à 90 minutes pour être un peu plus carré. Il y a une fonction super pratique sur Audacity pour faire ça. Tu connais? Oui. C'est la triche. Je ne dirai pas ce que j'utilise. Okay. Oh, tricher, c'est fort. Oui, bah oui. T'es encore sur Cubase? Non. Mais j'ai la chance avec le boulot d'avoir audition. Ah d'accord. Audition. Argent. Eh ben, elle est trop chère, mais comme ça, la vie n'a pas de prix. Donc, ça met combien de temps pour préparer 1h30 d'émission, sachant que à chaque fois c'est une thématique, la dernière étant sur les drogues. Les drogues. Ah, est-ce que c'est qualifiable, quantifiable? Quantifiable, c'est difficile, parce que des fois, je peux y passer une journée quasiment complète, et dans ce cas-là, bah, ça peut aller très très vite, mais comme j'ai un vrai travail, et que j'ai d'autres activités annexes qui me prennent encore plus de boulot que mon travail, je dirais qu'en gros, grosso merdo, si j'y bosse 1 heure par soir, j'ai 3 semaines de boulot minimum. Bon, ouais. D'accord. C'est une émission, en fait, à thème. Et ouais. Est-ce que les thèmes, tu les choisis d'abord et puis tu creuses, ou alors parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de samples. Est-ce que un sample dans que t'entends peut t'amener à trouver un? Alors souvent ça commence par une chanson ou un groupe que j'ai envie de passer. Et du coup, je cherche jusqu'à ce que je trouve le thème qui sera susceptible d'en fédérer d'autres. Et à partir de là, une fois que j'en ai dans mes stocks 5 à 10, on va dire. Je fais des recherches, je farfouille et je trouve le fil rouge. C'est pas tout dans ta mémoire. Ouais, c'est ce que je veux dire. T'es un gros cinéphile ou pas? Parce que quand même, pour trouver les samples qui vont avec les chansons, c'est un peu plus simple de trouver. Ouais. Avec les moteurs de recherche maintenant, c'est un peu plus simple de trouver des chansons en rapport avec le thème. Maintenant, des samples avec le thème, c'est un peu plus difficile. Eh ben ouais, il y a les films que j'écoute, les émissions que j'écoute, pas mal de trucs. T'es le Manu Chao du punk. Tu t'enregistres toujours partout et puis dès qu'il y a un truc que je trouve marrant, dès qu'il y a un truc que je trouve pertinent, je récupère. Ouais, c'est pathologique, hein, de toute façon. Je le retiens quelque part, je griffonne parce que j'ai pas de mémoire, hein, quoi. Donc. Donc je griffonne. Moi j'ai 40 carnets pour les émissions. Et donc les thèmes, ça peut être vachement divers. À la fin de l'année dernière, je voulais passer des trucs comme Condor et tout ça. J'ai trouvé un fil conducteur parce que d'abord une chanson de Blitz, ensuite des trucs comme Condor. J'ai putain, et c'est quoi le point commun entre tous ces cons, quoi? Bah c'est la moustache. Ils avaient tous à un moment un mec qui avait une moustache dans le line-up. Depuis ce temps-là, tu as une très belle moustache. D'ailleurs, en moustache, tu nous as préparé de la musique. Hein. Et justement, c'était un groupe à moustache, en tout cas dans les années 80. Mais je ne vais pas passer des morceaux des années 80, mais il y en a un qui était moustache. Ils n'ont plus de cheveux, il y en a même un qui risque d'en avoir moins parce qu'il a le cancer, le guitariste de Assa Casque. Il ne faut pas qu'il fasse sa chimie. Non, mais a priori, il a été opéré, ça devait, il devrait être en rémission ou quelque chose comme ça, si j'ai bien tout suivi. Mmh. Ce que je voulais donc passer, c'était non seulement pour lui rendre hommage à ce gars-là, le guitariste qui s'appelle Michael Blomqvist. C'est lui qui a joué dans Strebers aussi. Exactement. Ce qui explique. Bien. Oui. Voilà. Et il y a 15 ans. Ça se voit qu'ils ont une émission à deux. Hein. On a des points communs. Il y a une quinzaine d'années. Nous, là, on est un peu sur la touche. C'est marrant quand j'écoute un numéro du Bistrot des Nazes, je retrouve des trucs qu'on passait dans Écrasons la Vermine. Bah justement. Écrasons Pyongyang. C'est ça. Mais justement, là, c'est l'album de reformation d'Astakask qui a une quinzaine d'années, là, c'était en octobre, je crois, ou début novembre. Il a eu 15 ans. Et cet album-là, je pense qu'on l'a passé au moins à moitié à l'époque. C'est mon cadeau d'anniversaire d'il y a 2 ans. D'accord. Ouais, toi, t'as eu la compile. Le best-of. Le best-of d'Astakask. Ouais. Il n'y a que du bon. Tout ce qu'ils font, c'est absolument génial. Ouais. Et en plus, moi, j'ai plein de souvenirs avec cet album. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on va passer, c'est. Oui, c'était les débuts avec ma compagne. Donc, voilà. C'est comme ça que t'es emballé. Rubrique rabibochage avec Doudou dans Dead or Alive. T'as vu le message là? Là, il pourra dire ouais, non, mais quand j'étais à la radio, j'ai quand même. Passé à Astakask. Donc, le titre de l'album c'était Enfer à la Ingen Fornan. C'est vrai qu'à l'époque, quand t'écoutais Écrasons la Vermine, tu prenais un cours de suédois en même temps. On fait des efforts, mais j'ai rien retenu, je suis obligé de tout. Et d'indonésien aussi. Hein. Oui, parfois. Un peu de chinois aussi. Ouais. Donc, un pour tous et aucun pour personne. Et le titre qu'on va écouter, c'est tout à fait dans la même veine, Jag mot allt. Ça veut dire seul contre tous, en quelque sorte. Ouais. Quoi. Moi contre les autres, ou moi contre tout. Voilà. Moi contre tout. Donc si on veut bien le lancer, c'est 2 minutes 59 de plaisir pur, mais vraiment pur. Jag mot alla, jag mot allt. C'était beau, ça. C'était quoi? Bon, c'était ça. Une exclusivité. C'était une exclusivité de chez l'exclusivité, qu'à part le groupe et nous maintenant, personne n'a entendu ce morceau qui s'appelle Inevitable War, du groupe de hardcore barcelonais qui s'appelle Bait, B-A-I-T. Voilà. Pour la petite anecdote, Bait a sorti sa première cassette sur un label lillois qui s'appelle Spit It Out Records, qui d'ailleurs va s'occuper de la journée punk rock des 34 ans du Pits. On peut annoncer peut-être l'affiche. Youth Avoiders, Stole Mind, Short Days, Guimauve, c'est pas ça? Guimauve, je crois. Et le nouveau groupe Rod Stewart, c'est pas ça? Ah non, c'est pas le même nom, Rod Stewart. C'est bien Rod Stewart. Non, c'est pas Rod Stewart, c'est. Ah mince, j'ai un trou. Mince. Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà, on en reparlera un peu plus tard. Groupe, de toute façon, reparlera, je l'ai pas encore mis sur Spunk. Alors je mais bloquez votre week-end du. 6 décembre. 6 décembre. 6-7 décembre. Voilà, Saint-Nicolas. Voilà. Non, 5-6 décembre. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, bravo. Voilà. Donc après l'exclu de Bait, peut-être on en aura une deuxième tout à l'heure ou il y en a plus? Il y en a une autre. Mais tout de suite, on va pas balancer tout de suite. Pour l'instant, on a encore un invité qui est là. C'est Mister Vincent Raya Stencil. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Comment tu t'appelles? Il est trop timide alors qu'il est tellement pas timide. Si, je suis timide. Et puis en plus, vous parlez tous bizarre. Ouais, c'est vrai. Ah, mais ça, oui. Non, c'est toi qui parles bizarre en fait. Tu viens, merde. Tu viens d'où, Vincent? Attention. Insulte-moi. Non, je suis d'Avignon. Merci. Oh, bah, mais j'ai longtemps vécu à Marseille. Mais il me semble que dans ce qu'on dit à Marseille, Avignon, c'est vachement au nord déjà. C'est presque le pôle nord. Au nord, c'était Avignon. Non, c'est le cœur de la Provence. Oh, oh là là, l'espion du chauvinisme. J'ai rien dit. Le cœur du chauvinisme. L'histoire du Félibrige. Allez. Oh, compte de Dieu, ça chante. Non, c'est bon, on va faire autre chose. Bon, et ben, qu'est-ce que tu fais comme autre chose? Tu fabriques des trucs avec des cutters et puis après ça, tu bombes les murs? Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. C'est du vandalisme autorisé. C'est du vandalisme artistique. Autorisé, ouais, pas voilà. Tout le temps. Alors, quand j'étais punk et que j'avais des cheveux, c'était il y a longtemps, genre sur les coups de 16-18 ans, j'ai fait pas mal de stencils, mais c'était surtout des petites phrases de punk. Et j'ai un peu arrêté, puis j'ai repris il y a une quinzaine d'années en fait. Quand j'étais sur Paris, c'est vraiment en redescendant sur Marseille que je m'y suis mis un peu plus à fond. Et puis, c'est toujours sur la scène skin, punk, voire mode. C'est mes sujets fétiches. Quand tu étais sur Paris, tu bossais avec Lord Howe ou... Non. Non, tu l'as déjà rencontré ou... Non plus. Non plus. Mais j'ai participé à son hommage. Merci. À Rivoli, là, en 59. Et en étant spécialisé dans ce style de musique-là, dans ce thème-là, tu arrives quand même à trouver... à certains publics pour pouvoir exposer, pour venir voir tes expositions, ces trucs-là? Ou alors ça reste vraiment les copains qui viennent voir? Alors, si je fais des chats, je fais des expos. Mais j'aime pas les... Enfin, je fais pas de chats. Donc, ouais, c'est assez restreint, on va dire. Mais j'arrive quand même à faire une ou deux expos solo par an. Donc là, la prochaine, je fais un petit coup de pub. Mais oui, Command People à Dijon, c'est ça? C'est ça, Command People à Dijon, avec Shoot the Dolls qui vient jouer. Et l'ESF, Listen Family, qui va passer des galettes. Et tout ça, ça se passe chez Diviol Club, qui est un nouvel espace sur Dijon. Tatou, concerts, bar, voilà. Des gens bien, quoi. Moi, j'en profite pour claquer la bise à Vince Ramos. Un jour, on verra tes œuvres exposées quelque part autour de Lille ou je sais pas, ou en Belgique. Bah, au Lyoté. Au Lyoté, ouais. Ça, c'est fait. C'est une exposition permanente. C'est du permanent, là. Ouais. Ouais, hier, on a fait du permanent. Ben, pourquoi pas, moi. On me propose, je viens. D'accord. Mais on n'a plus qu'à chercher, quoi. C'est ça. Cherchez pour moi, s'il vous plaît. Un petit truc technique. Tu dis stencil, moi je dis pochoir, mais c'est parce que je suis un vieux ou alors il y a une vraie différence entre les deux? Non, parce qu'en fait, je suis formidablement bilingue. Non, c'est pareil. D'accord. C'est pareil. Exactement okay. Pareil. Comment on fait? C'est difficile? Parce que il me semble qu'une histoire de dessiner sur un carton, enfin un truc assez épais, et puis après ça, on donne des coups de cutter, mais on fait pas ça n'importe comment, quoi. Enfin... Comment on fait pour avec mes deux mains gauches, ça se détache pas. Alors moi, il y a trois techniques. Il y a la technique de feignasse que je déteste, qui consiste à prendre Photoshop ou un autre truc et puis tout passer au plotter. Mm-hmm. Voilà, donc tout passer au quoi? Au plotter. Donc en fait, ça se découpe en automatique. Et ça voilà. Existe. Ça existe. On fait des super trucs. Hein. C'est une intelligence artificielle. C'est la modernité. C'est comme ça qu'on fait pour faire des tampons. D'accord. Exact. Donc il y a ça, sinon ben moi je fais quasi exclusivement du noir et du blanc, donc en fait je pars soit de dessin, soit de photo, et puis je découpe direct dessus. Quoi. Genre je te file une photo de ma tranche, tu sais me reproduire en pochard. Ne fais pas ça. Oui, je le ferai pas. Non mais c'est juste une question pour savoir les compétences. C'est jamais montré, celui qui l'avait fait de moi. Oui. C'est bluffant. Tu le fais sur commande? Comment t'as des thèmes récurrents Alors sur commande, ouais, ça m'arrive sur commande, mais non. Après, c'est toujours un peu, c'est soit la photo coup de cœur ou un hommage particulier, ce genre de choses. Après, des fois, ouais, sur Brighton, c'était plutôt des commandes à la Skinhead Réunion où il fallait peindre pendant le festival des bâches qui faisaient, je crois, 2 mètres par 4, un truc comme ça. Donc j'avais fait des visuels avec les monuments de la ville et puis dessus des birds et puis le nom du festival. Quoi. T'aimes bien les birds? J'ai l'impression d'en avoir vu beaucoup dans les... C'est peut-être parce que leur coupe se prête bien à... C'est ça, ouais, exactement. Au pochoir. Ouais. Bon, des fois, il a des choix de modèles un peu douteux, je trouve, mais bon, ça restera entre nous. Tu parles pour toi, là? On en a parlé hier. Ça restera. Non, hier. Mais après, j'ai fait aussi ma chérie en mode casual. Ça le fait aussi. Ah, celle qui est sur la bure du Lyoté. Ok. Non, elle est. Elle est très... j'avais fait d'abord dans la rue, parce que je fais surtout de la rue. Et c'est la priorité, donc le collage ou peinture. Et puis après, il y a quelques pièces qui passent de la rue en pièces pour exposer. Là. Tu dis que tu fais de la rue, mais c'est interdit de décorer la rue comme on veut. Enfin, je veux dire, On fait ce qu'on veut. Hein. Ouais, je sais pas. Mais je veux dire, des fois, t'as pas des emmerdes avec, je sais pas, des emmerdeurs. Tu sais, parce que la question, c'était quoi la question? Ton souvenir le plus trash, du coup, de pochoir dans la rue? Le plus compliqué, je pense, c'est une fois à Dublin avec les civils. Avec les civils, Les flics civils, non, j'étais avec un collègue qui n'était pas du tout dans le truc en plus, et puis on était un peu farci. Ça aide. Ouais, sorti du pub et puis sans pointer, et ouais, ça a été un peu compliqué parce que c'était un peu approximatif en anglais. et puis finalement, parce qu'ils pensaient qu'on avait fait une merde qu'il y avait à côté, et puis ils ont vu le pochoir, ils ont fait bon, en fait c'est cool, par contre tu te casses et je veux plus te voir dans le quartier. J'ai dit ok, d'accord. Ils nous ont laissé seuls et en fait on a continué à faire le pochoir. et le lendemain, je me suis aperçu qu'on était à côté du commissariat. C'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce que vous avez pas l'impression d'être pris un peu plus au sérieux que par exemple un graffeur? Parce que moi, par exemple, dans ma ville, ils repassent les graphes, mais ils laissent tous les pochoirs. Ouais. Et quand il y a des pochoirs sur au même endroit que des tags. Les tags sont recouverts, mais les pochoirs sont toujours intacts. Ouais, après, c'est une question de visuel aussi. Donc, Peut-être que le Shrek qu'on a vu tout à l'heure, il va être recouvert. Je pense qu'il peut être recouvert. Ouais. Parce que ça fait plus le mec qui travaille. Quoi. Tu poses ton pochoir, t'es dans la rue, les gens ils ont plus l'impression que en fait, tu fais pas ça illégalement. Quoi. Pas comme un graffeur. Ouais, il y a ça. Après, souvent, c'est des portraits. Alors, ça parle plus. Tu te dis, ouais, c'est peut-être un peu plus artistique que sortir un blaze, alors que c'est tout aussi acceptable pour moi. Mais... Ouais, mais c'est pas toi qui fais la loi. Dans mon quartier, ouais. Et puis, un petit peu à Lille aussi, quand même. Ouais, un peu, ouais. Je commence à avoir des connaissances et tout. Ok. Et puis, en plus de ça, tu écoutes de la musique. Ouais, puis ouais. Des fois, il y a même des DJ sets. Et tu ramènes des trucs. Ouais. Ah ouais, tu fais des DJ sets. Ouais, aussi. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Pour le Riri Scooter Club. Ouais, pour les Riri qu'on embrasse. Hein. Ah, tu fais du scooter aussi. Ouais, je suis multi. Et d'ailleurs, t'as encore de la terre de Vendée. J'ai vu. Pourquoi il va là ce qu'il est de Réunion, d'après toi? Country Western. Ouais, avec les Riri, on est pas mal. Enfin, on est que 8, hein, on est un tout petit groupe, mais on est des rigolos. Et on. Riri comme rigolo. Ouais, non, c'est Riri Ricard surtout. Hein, donc, c'est passion Ricard et Vespa et Lambretta. Et on est pas mal à passer des disques. Ouais, donc, on fait souvent des DJ sets. Et puis aussi, ça m'est arrivé de passer sur Marseille ou Avignon, et même à Radio Grenouille à Marseille. Radio Grenouille, c'est une associative, ça, encore. Oui. C'est la top radio de Marseille. On leur fait des bisous aussi. Et du coup, on écoute quoi? Bah, je sais pas, chez le monsieur, il y a choisi. Et bien, comme je suis du sud et de Marseille. Tu nous as ramené un morceau d'Ayam. Voilà, exactement. Un petit P38. Ah, bah oui. Ouais. P38, il n'y a que ça de toute façon. Non. Ah non, il y a Massilia Attack. Et voilà. Big up à tous les Parisiens de Marseille. Ah bon? Merde, on m'aurait menti. Non, un petit P38, allez. Oh! Non, je ne mixe pas. Bon, pendant que tout le monde boit, eh ben moi, j'en profite pour passer du crust metal. Ouais, non, c'est pas la peine. Ne... C'était pour le meilleur et pour le pire quand même. Il fallait désannoncer quand même, pour le meilleur, pour le pire. P38. C'est ça, tout à fait. Ouais. T'as pas d'anecdote là-dessus, je sais pas. P38, ma jeunesse. On n'a pas assez de 2 heures pour sa jeunesse. Ouais, non, c'est compliqué. C'est des gros souvenirs marseillais, quoi. Ouais, mais ça peut nous intéresser aussi. Si tu veux, ici on constitue les dossiers en live devant tout le monde. Et après ça, on les garde bien précieusement, puis on les ressort les jours où il faut. Ouais, mais si bien, c'est qu'il n'y a pas la vidéo donc. Ouais. Oh, ça va venir ça. T'inquiète. Un jour, on aura la vidéo aussi. Ouais. Puis bon, quand même. Je parlais de crust metal. Ouais. Oh non. Si. En plus, j'ai promis. Donc, c'est trop tard. Par contre, faut que je le retrouve. Ah voilà. Il s'agit. Non, ça je l'ai. Ça a disparu. Ça n'a pas disparu. Possible, c'est là, le voilà. Et donc, tu sais quoi? Oui, Zombie Mustang Safari, c'est le nouvel album de Béton, groupe metal crust issu de Bratislava en Slovaquie. Le bassiste Thomas fait aussi partie de Two Monkey Hookers and the Racist Dwarf qu'on a vu l'année dernière. Cette année, je sais plus où, au Vortenvis, je crois. Ça fait du metal crust, ou alors peut-être du crust death metalisé, bref, tout ce que vous aimez. Toi, t'as déjà passé des trucs très métal, Audrey. Le donc metal ça me dérange pas, ouais, pas. Voilà. Le crust me dérange, voilà. Power Violence aussi. Et bien là, tu vas avoir que des trucs bien. Il y a 9 titres donc sur ce nouvel album, dont un mashup de Bomb and Fall et Graveless. Je pense que PA, ça va lui dire quelque chose, surtout Bomb and Fall. Et puis donc... Bomb and Fall, ouais, c'est ça. Vous retrouvez tout ça sur leur... Vous retrouvez tout ça sur leur Bandcamp, betoncrust.bandcamp.com. Les voici avec oui tout à fait béton. Ils avaient béton, non béton tout court. Ah, béton tout court et pour, ouais, okay. Parce qu'il y a d'autres groupes qui s'appellent béton. Béton.crust. Je suis sûr qu'il y en a aussi qui s'appellent béton armé. Et puis il y a enclume, il y a marteau, tout le bordel. Donc tu vois, oui, bon, oui, on a tout, oui, tous les on tout a, BTP. Il y avait un très bon groupe dans les années 90 qui s'appelait Concrete aussi. Eh ben voilà, et Concrete Sox aussi, voilà, et Concrete Cell. Donc voici béton avec Safari. Quelques minutes de bonheur malgré tout ce que vous pouvez dire, non mais oh. Ah, ça dure quelques minutes en plus. We'll be right back. Et vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus 106,6 Campus Lille.com. On vient d'écouter Béton avec leur morceau Safari. Hein. On a bien pu reconnaître le banjo. On est toujours en direct. On a perdu tous les animateurs de Radio Campus. Ah, Audrey, elle est quand même là. Mais par contre, on a accueilli un groupe de qualité. Sinon, on pose les questions et on fait les réponses. C'est clair. Bonjour, comment je m'appelle ? Je m'appelle Thomas. Je suis content de me voir. Oui, merci. Et moi ? Ouais. Ah, formidable, Thomas. Et vous faites partie de quel groupe, Thomas ? Oui. Et donc, il n'y a pas un petit album là, qui vient de sortir ? Ben si, il y a... Déjà, vous faites partie de quel groupe ? Alors, vous n'avez pas dit ça, ça fait déjà 42 minutes 18. Et... Alors, on fait partie de Psychrophore, groupe punk lillois, qui vient de sortir non pas un petit album, mais un album entier. Magnifique. Un beau vinyle avec une très très belle pochette. Je fais tout de suite les... Qu'est-ce qu'a fait l'artwork de la pochette ? L'artwork de la pochette a été fait par Simone Bird. Et la sérigraphie par l'Ardente avec Jeanne Spitt, que on les remercie bien toutes les deux parce que, enfin, et toute l'équipe parce que c'était super. Donc en dehors de ces choses-là, donc nous avons sorti cet album enregistré complètement DIY par notre sérénissime, par notre Yuki. Notre bassiste. Bonsoir Yuki. Bonsoir. Voilà. Salut Yuki. Donc enregistré complètement par nos propres moyens. J'ai cru dire enregistré complètement par hasard. Et par hasard un petit peu aussi. En partie par hasard. Voilà. Avant d'oublier la chose, on fait donc nous fêtons joyeusement cette sortie dimanche au CCL avec Vacarme et Short Days. Et si éventuellement ça vous dit, on peut écouter un petit morceau histoire de vous mettre dans l'ambiance. Comment s'est fait le choix des groupes ? Bah, tout est dit. C'est l'interview la plus courte que j'ai jamais eue de ma vie. Je veux pas que je te pose une petite question. Comment s'est fait le choix des groupes de la release party ? Parce que Short Days, j'ai l'impression que c'est un peu un code comeback. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué, là on les voit jouer depuis quelques semaines. Ah ouais, ça faisait bien deux mois que vous n'avez pas joué, ça va. Non, parce que avant ça, non, c'était moins de deux mois, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que... On n'avait pas joué avec. Non, qu'ils n'avaient pas joué tout court, Short Days. Il y avait au moins un break de deux ans, quoi. Non. Bah si. Non, ils ont joué il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, mais avant, ça faisait longtemps. Ah oui, d'accord. Ça fait très longtemps qu'ils ne jouaient plus. Là, alors, donc, il y a un comeback, ils reviennent depuis peu. Là. Le choix, il s'est fait que... Tu crois qu'on s'occupe de l'organisation, nous ? Non, mais je sais pas, donc c'est pas une organisation. Ah, c'est pas nous qui organisons. Non, c'est... Vous profitez d'une date pour sortir votre disque. C'est Adrien de Lucan Distro qui fait le concert. C'est lui qui a choisi les groupes. Et donc ça, Short Days, on connaît Noël. Et qui a fait l'affiche aussi. Et d'accord. Et Vacarme, c'est quoi ? On peut... C'est un groupe de Nancy. C'est avec des gens qui ont joué dans Richard Durne. Et puis d'autres groupes, Old Rotten Bastards. Ah oui, ça je connais. Ouais. Ils ont fait plein de groupes à Nancy, je peux pas toutes les citer. Et donc là, ils tapent dans quoi ? Dans du punk ? Dans du... Dans le dur ? Ils tapent dans le dur. C'est du punk un peu barré, quoi. Du mathématical punk. Non, c'est pas mathématical, je trouve pas. Mais c'est barré, c'est. Alors que nous, on fait du punk recta, tu vois. Oh, je ne dirai rien. Mais non, c'est vachement. Bah, il manque pas de lettres. Après, c'est... moi, je trouve ça vachement bien. Non. Ça plaira peut-être pas aux gens qui aiment les trucs bien comme il faut dans les bonnes petites cases. Mais ils jouent super bien, tout ça. Okay. Enfin, une bonne raison pour venir dimanche. C'est pas dans quel état on sera, mais on sera pas dans la fraîcheur Narta, mais on sera là. Bah, personne sera dimanche, personne n'est dans la fraîcheur Narta. Ah ouais, c'est clair, c'est horrible. Allez, on prendra un bain. Ça va nous remettre bien. On a un morceau de Vacarme, un morceau de Short Days, un morceau de Psychrophore. On passe quoi d'abord ? Tout ça. Regarde pas comme ça. J'ai envie de dire Psychrophore. Bah ouais, qu'on écoute ce que ça donne. Écoutez un morceau de Psychrophore. Alors, ça vous va ? Le morceau que vous avez choisi, il s'appelle comment et il traite de quoi ? Alors, c'est un morceau qui s'appelle Lies. Lies. Non, pas du tout. C'est un morceau qui traite du mensonge, comme son nom l'indique, et c'est pas franchement une surprise, et qui... voilà, qui dans l'esprit du chant est un petit hommage à un groupe que j'aime beaucoup des années 90 voilà. Qui s'appelle ? On verra, tu nous laisses découvrir sur voilà. Et donc Lies, c'est un morceau court et efficace, je pense. Bah allez, on écoute ça sur le 106,6, c'est toujours l'émission Pyongyang City Rockers Extended Version de 2 heures ce soir. Oui. Oh yeah. Micro. C'est court et brutal. Ouais. Ce morceau est très brutal. Merci. Ripoll m'a fait rappeler pendant qu'on était hors micro que c'était sa première fois à la guitare sur un album. Vous avez eu un nouveau line-up. C'est un line-up complété. Voilà, complété. Enrichi. Comment est-ce que... Parce qu'il me semble qu'au début, c'était simplement basse, batterie et chant. Il me semble, moi, qu'il y a eu c'est un concert avec une... Non, il n'y a pas eu, ouais, non. Basse, batterie, non, chant. C'est... Je ne me souviens pas d'un concert avec une guitare avant toi, moi. Ah, moi non plus. L'idée, c'est on a essayé de faire le groupe à trois pendant un certain temps. Et il n'était pas évident de trouver la personne qui convenait, quelqu'un qui... voilà, personne qui voulait jouer avec nous, surtout. Voilà, c'est ça. Bon, et ne le dis pas comme ça, enfin, s'il te plaît. Donc, quelqu'un qui soit assez tolérant pour nous supporter, et puis qui joue quand même assez bien de la guitare, parce que... Si c'est pour en rajouter, autant que ce soit bien fait. Voilà. Et puis, qui n'est surtout pas du tout un emploi du temps chargé. Ah bah comment c'est tombé sur Ripoll alors ? Ouais. Bah c'est une salle qu'on a trouvée. Ouais, mais son emploi du temps, il est ultra chargé. Oui, c'est bien pour ça. C'est parce qu'il allait regarder Koh-Lanta. Non, il était motivé, c'est pour ça. Ouais. C'est le seul qui était motivé. Bah en fait, ça le fait bien du coup, donc c'est bien. Ça le fait bien et on s'est vachement bien supporté en tournée. Donc... Oui, ça marche bien. Et comment on arrive dans un groupe justement où il n'y a pas de guitare pour ramener de la guitare ? Ah bah, c'est plutôt cool pour bosser les morceaux parce que du coup, tout est là, il n'y a plus qu'à poser une guitare dessus, en fait. C'est-à-dire quoi, tu te posais sur les accords de la basse. Comment se passe ton processus créatif? Il y avait déjà un... Ou alors t'as pu un non, peu mais il y avait modifier... déjà une petite cassette, il y avait un split avant avec Garo qui posait quand même quelques morceaux, qui étaient déjà joués en live. J'ai déjà vu des lives avant, et puis il m'est arrivé peut-être d'habiter un peu avec Yuki, alors on a discuté un peu, et puis... Mais du coup, c'est carrément plus simple quand même de... Oui, d'arriver là, plutôt que... Enfin, je sais pas, parce que là, maintenant, c'est quand même plus simple de faire des nouveaux morceaux, et moi, d'arriver directement dans le morceau avec ça, c'est un petit peu plus simple. Mais oui, à la base... Ah, parce qu'en général, pas, un processus de composition, c'est souvent la guitare qui arrive, et on brode un peu c'est autour. C'est vrai que c'est bien là, d'avoir au moins une ligne harmonique et une mélodie. Enfin, ça, dans un devient groupe théorique, c'est, là, mais... c'est carrément l'inverse, en fait. Là, t'as la rythmique basse-batterie, et tu dois... On peut voir ça comme ça, après, les... après les parties de basse, elles sont c'est un peu particulier quand même. Du coup, c'était pas il est particulier le bassiste. Hein. C'est pas si simple. Que, forcément mélodique s'il n'y avait pas de guitare, donc forcément tu peux te caler sur le truc. Bah, oui, voilà. En fait, oui. Tu jouais de la guitare avec ta basse en fait. Bah, on peut dire ça. Ouais. Du coup, j'ai un peu simplifié depuis qu'il y a la guitare. Mais enfin, j'ai simplifié ma façon de pas au niveau des notes, mais au niveau rythmique. Okay. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, tu dis en général, ça arrive avec une guitare et on fait. Ben ça dépend, on fait du souvent punk. Quand même. C'est pas 100% du temps. Moi, je bossais d'abord sur la mélodie de la basse. Et après, la guitare venait. Tu jouais dans un psychophone aussi ? Ouais. Parce que là, c'est de nous qu'on parle. Ouais. Moi, je suis la doublure silencieuse de Margot. Non, je plaisante. Non, mais en punk, il n'y a pas de règle. En punk, tu peux partir sur un rythme de batterie. Voilà. Et tu nous l'as pas chez notre Yuki. Non, voilà. Ah non. Non, il a raison. Là, ça va. Là, ça va. Okay. Non, mais du coup, c'est vrai que pour moi, c'était simple. Parce qu'en vrai, je suis quand même limité à la guitare. J'ai appris à jouer un peu de guitare et puis quand je savais jouer un petit peu de punk, bah, j'ai arrêté de progresser parce que ça me servait plus à rien, je voulais jouer ça. Donc, t'as pas sorti majeur de promo de guitare ? Non, vraiment pas. Non, c'est galère, c'est carrément galère. Et puis en plus, normalement, tu sais, sur une guitare, il y a des cases avec des points. Et toutes les chansons qu'ils composent, c'est entre les points. C'est les cases où il n'y a pas de points. Du coup, c'est galère. C'est en vrai, c'est super galère. Hein. C'est super galère, mais bon, je le fais quand même, puis je m'amuse bien. Et puis en vrai, comme on est un groupe où on n'est pas tellement porté sur le solo de guitare. Ah ben bah ça tombe ça, super ça, bien, ça, ouais, ça, parce ça, que ça, du ça, coup, mais il n'empêche que plus on répète, plus j'ai envie d'en mettre. Il dit ça, mais on répète, il nous en fait des fois. Ouais, j'en fais, je m'accorde pas, je joue trop fort, enfin tu vois, le vrai guitariste, quoi. Je fais tout ce que j'ai vu, moi, de derrière, je le reproduis, parce que c'est comme ça que ça va virer quand. Bah en fait, c'est ça le truc aussi, pourquoi on a galéré. Matos, j'arrive en retard, enfin comme c'est... tous les gratteux quoi. Nous on déteste les guitaristes avec Margot. Oui. Et du coup on voulait pas de vrais guitaristes. C'est pour ça qu'on a pris un batteur. Ben voilà. Ben, ça marche plutôt bien. Hein. J'avais une guitare, ça me faisait chier de pas m'en servir un peu. Elle prenait la poussière et puis voilà. C'est clair. Bah non, elle la prend encore plus parce que vu les endroits où ils m'envoient pour jouer là. C'est une guitare qui a de l'histoire. Non, pas vraiment. Même... Enfin, bah, attends, il y a une clignature d'Angleterre. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, elle est contente de faire des concerts, c'est sûr. Moi, je suis content de jouer les morceaux et je suis encore plus content de jouer des trucs qui. Je pense vraiment qu'il y a un truc un peu bizarre dans la compo que j'ai mis un peu de temps à capter, mais j'étais content quand même parce que ça me faisait faire des trucs que je fais pas d'habitude à la guitare. À la base, je fais un petit riff de Blink, voilà. Oh, je fais du temps. Ça, c'est pas des choses qu'on dit. Si, ça, on dit tout. On est à campus. Donc Blink 182, influence non, de. Avant, 181, c'est ouais. Avant, c'est le premier album, c'est mieux. Ah, comme ce qu'on a beaucoup de groupes, c'est toujours comme ça de toute façon. C'est pour ça qu'on n'en fera pas de deuxième. Hein. Ah bon ? Bah je sais pas, apparemment le deuxième est toujours moins bon, on va pas se faire chier pour un truc. Ah on va direct au troisième, c'est ça que tu veux dire ? Troisième direct. On va faire le troisième direct. Voilà. Bah j'ai bien parlé maintenant. Est-ce que dans l'album il y a certainement des morceaux qui ont été composés par le trio de basse ? Est-ce que t'en as créé un depuis ? Ouais. Non, j'ai pas créé, mais on a créé ensemble des trucs qui étaient pas là avant que j'arrive, quoi. On a, plein de morceaux qui étaient là avant, plus ou moins, avec ce truc rajouté, du coup. Maintenant. Bah, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, il était. Ouais, le morceau là, il était tout là neuf. Hein. Ouais. Et il y en a d'autres, et puis il y en a d'autres à venir. Hein, allez, on en écoute un vieux alors. Vas-y. Un vieux qui est dans l'album. Ouais, un truc court, efficace, Never Let You Down, bam, tout pas. Never Let You Down. Bon, ouais, c'est comme pas la voulait. Ils sont tous bien, donc. Jérémy, est-ce que tu as le Never Let You Down de Psychofort ? Il a trouvé, il est fort. Ça sort dimanche en physique au CCL en compagnie de Short Days, Vacarme. Et il y a des DJ aussi, je crois. Pourquoi non faire ? Non, pas de DJ. C'est dimanche. Hein. C'est dimanche, ça commencera peut-être un peu plus. Peut-être. Dimanche. Un peu plus tôt d'habitude. Peut-être. Peut-être. Pas. Voilà, 4 rue de Colmar à Lille. Psychofort, Short Days, Vacarme, dimanche. victoire. Ah. On vient d'écouter Confesse de Vacarme, et juste avant c'était Pigs in Blue de Shordaze. Encore avant, on a bien sûr écouté les Psychrophores qui sont ici avec nous avec leur morceau Never Let You Down. Ces trois groupes seront en concert ce dimanche soir au CCL, au 4 rue de Colmar à Lille. Et comme d'hab, c'est prélibre. Dès 19h, il est marqué sur le flag. C'est le pâté de PA. On me demande du pâté, je l'apporte. Et maintenant, à l'écoute du Pyongyang City Rocker ouais. À Skip. Et il est 21h02 passées de 18 secondes, et 19, 20, 21. Et on continue jusqu'à 22h grâce à JD qui reviendra avec Teeth Grinder la semaine prochaine à partir de 21h. Pour l'instant, c'est Pyongyang City Rockers qui vous passe un groupe vu lors du Underground This Is numéro 4 au Cirque Électrique le 11 novembre dernier. C'était d'ailleurs leur premier concert. Ils ont quand même joué avec Disaffect et puis toute une série d'autres pointures. Chez Tau pas mal, hein, Yuki. Souviens-toi. C'est pas celui que j'ai préféré, mais c'était bien. La franchise de Yuki. Moi, moi m'a dit raison, que c'était la soirée de Yuki, c'était pas mon préféré. Voilà. Leur album est d'ailleurs paru le 10 novembre, il est éponyme, je l'ai dit. C'est sorti en cassette, il n'y en a plus des masses, j'ai quand même réussi à en avoir une. C'est un joli petit objet, comme on sait les faire maintenant sur les labels de cassette. Là, il n'y a pas de label, ils l'ont fait eux-mêmes, hein. Il y a 10 titres dessus. Là, je vous passe. On aurait pu, c'est le dernier. Le dixième, donc la fumée pique les yeux, les paupières moites, c'est l'été, tu sues, allumé climatique, mon vieux, pend la lumière, t'éclate, l'été toujours et tu sues, les îles se vident, les radeaux se remplissent, le monde afflue et le nôtre refoule, eux ou nous, eh bien ça sera nous, conditionnel présent et participe passé, on aurait pu, traditionnel présent et narcissique passé, t'as pas voulu, c'est un constat froid de l'impossibilité d'empêcher la catastrophe à venir, guimauve avec on aurait pu. Sur du pire. Guimauve sur Campus 106,6 Pyongyang sur au cœur jusqu'à 22h. Mon PE, t'as encore des choses à passer, t'as plein de trucs et je suis sûr qu'on n'arrivera pas à tout mettre. Oui, on n'aura pas tout, mais c'est pas grave. Au moins celui-là, c'est vraiment un titre que j'adore. Si vous connaissez un tout petit peu le Disrupt, à partir du moment où oui. Voilà, Jay Disrupt, Jay Styles, vous suivez tout ce qu'il a fait, le gars, et tout est bon. Disrupt d'abord, et puis State of Fear, probablement un seul album et probablement un des meilleurs cross-ricains des années 90, Consume, Death Red, voilà. Et bah Night Feeder, c'est un des derniers groupes dans lequel il est, et on entend la patte, il y a le moelleux. L'album s'appelle Cult All of Your Face Off, avec deux F. C'est assez chamarré, il y a un petit peu de gras, il y a un petit peu de trucs bien boostés et parfois mi-tempo. Je suis resté très très classique et j'ai vraiment fait j'ai vraiment choisi un des titres de très très typique. Ouais, on sent que t'es dans le pinard quand même. Hein. T'as un vocabulaire pinardier qui ressort pour la critique de vie. Chamarré donc. Chamarré. Oui. Voire bigarré même. Avec une certaine rondeur. Tu vois. Voilà. Un morceau qui chale. Et le premier nez, il est comment ? Mais avec un truc gourmand. Exactement. Mais avec une tension. Voilà. T'en racontes pas. Vas-y, fais péter. Night Feeder avec le morceau Cut All Of Your Face Off. Avec deux F. Avec deux F. Ouais. Face Off. Pas mal. C'est pas Fake Off, c'est Face Off. Face Off. Merci PA pour cette sélection. Ripple, tu nous as préparé Non, moi, j'ai ramené des morceaux de groupe avec qui on a partagé des dates sur la dernière tournée avec Psychrophore, justement. Oui, puisque vous avez parcouru l'Europe. Pas trop, non. Plutôt l'Allemagne. L'Allemagne est courte, quoi. L'Allemagne, c'est l'Europe. Oui, c'est en Europe. La Belgique c'est en Europe. Aussi. La Belgique aussi, c'est pas faux. On a joué dans une petite partie de l'Europe qui s'appelle l'Allemagne. Ouais. Et alors ? Et puis ouais, on a eu la chance de sur la tournée de faire deux dates avec deux groupes, les deux mêmes groupes en fait, à quelques jours d'intervalle, une à Hambourg, une à Chemnitz, et c'était plutôt cool. Des gens fort sympathiques. Carrément. On s'est retrouvé du coup sur la tournée L'Adieu d'un groupe qui s'appelle Concrete, d'un groupe de Freiburg. Freiburg, machin, une brise au, là. La frontière franco-suisse. C'est ça, ouais. Et ils font une petite tournée pour leur dernier truc, et leur dernière tournée pour dire au revoir, quoi. Et... On s'est retrouvé avec eux à Hambourg et à Chemnitz et c'était plutôt cool. Voilà. Barrage aussi. Et ils étaient accompagnés d'un groupe de Besançon. Qui s'appelle Barrage. Un groupe avec un peu de Black Code, de Wars Nation, de Human Dog Food dedans. Ou de Géranium. De Géranium aussi dedans. Et un truc qui. Géranium. Avec avec du cuir, du clou et du... Ah ouais, ça... Ça s'appelle du patchouli, ça, l'ensemble. Bah, c'était bien, ouais, c'était bien aussi. Ouais, hein, on a bien rigolé avec mes gens. Tout était réuni pour que ce soit... Et vu, vu qu'on connaît un peu le concept de l'émission et qu'on sait qu'on n'est pas venu parler plus de ça que nous, hein, que tout le monde s'en fout, j'ai bien compris. Donc maintenant, un morceau de Concrete ou deux. Le premier qui s'appelle Uncomfortably Comfortable et le deuxième qui s'appelle Mort, enfin les milliardaires morts. Pourquoi ces deux morceaux? Parce que pourquoi pas. Merci. Mais toi non plus. Non, que c'était bon. Concrete. Ouais, Concrete Jungle. C'était, pas ça, c'était Concrete, ouais. C'était Concrete, c'était bien, c'est fini. Voilà. Voilà. Sorry, not merci sorry. À eux. J'espère qu'ils referont des groupes et qu'ils referont d'autres projets derrière. Et du coup, ils jouaient avec l'équipe dont on parlait, là, l'équipe de Barrage. Ils étaient avec eux sur toute la tournée. Et si vous voulez, on enchaîne direct avec Nuit comme Nuit de ouais, Barrage. Ouais. Comme ça, c'est fait. 3-4. Allez, 3-4. Bim, 1-2. Bim bam boum. C'est plus long que tu m'avais dit. Yeah. Merci pour ce barrage. Mais de rien, ça me fait plaisir. Et alors, du coup, vous vous êtes pas tapé dessus, c'était tout gentil, il y a personne qui a ronflé. La tournée, là. Avec barrage, non, c'est pas tapé dessus. Complètement barrage, guimauve, pas complètement hippie, on s'est trop aimés tous pendant toute la tournée. Non, c'est... Que, oui, ah, alors, non, mais ça peut paraître marrant, mais ça s'est bien passé. Ouais. Bah oui, non, mais parce que des fois, il y a des coups de gueule, et au bout d'un moment, tu sais, t'en as un peu marre de l'un, un peu marre de l'autre. Envie d'être ça peut arriver, quoi. Ah bah c'est la première fois que je fais une tournée où je me frappe pas avec quelqu'un du groupe avec qui je joue. C'est vrai? Non, c'est la première. J'exagère un peu. À part notre tournée d'avant, ou celle d'avant, où on ne s'était pas tapé non plus. Non, en fait, c'est, Margot, ouais. C'est Margot qui t'apaise. C'est du coup. Non, c'est Margot qui tapait. Ouais, ouais, ouais. Ah, plus ça, ouais. Ouais. Par c'est contre, le radeau de l'avant, on n'a pas eu de s'embrouiller avec d'autres gens. Oui, après, on peut s'embrouiller avec des gens. Mais entre nous, non, ça va. Je pense qu'on a suffisamment. Ça fait sourire tout le monde parce qu'on a des caractères de merde et qu'on est censé s'embrouiller et qu'en fait, non, tout se passe très bien. Ouais. Bah là, non seulement on s'est pas embrouillé entre nous, mais on s'est pas embrouillé avec les gens qu'on a vus. Elle a dû être chiante cette tournée en fait. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien à raconter, il n'y a pas eu de panne, il n'y a pas eu d'embrouille. Ils ont vu des groupes sympas quoi. Ils ont vu des groupes sympas, tout ça. Ok. Non, on n'a pas vu des groupes sympas. Ils ont eu leur fric et tout le bordel quoi. C'est... Voilà, rien à dire. Non, on n'a pas vu que des groupes sympas, c'est pas vrai. Allez, c'est qui n'était pas sympa? Mais je ne dirai rien, je ne citerai pas de nom. Oh, même pas balance. Non, c'est l'Allemagne. C'est la minute langue des putes. T'es bien accueilli partout, les gens ils te font à manger, tout ça. Ouais, non, ça va, franchement. Bonnes vacances, quoi. T'as à boire tout le temps. C'est carrément ça. Ils te payent ton essence. Après, c'est éprouvant quand même. Le matin, quand tu vas te coucher. Le soir, quand tu vas te coucher. Le soir, quand tu vas te coucher à 6h. T'es fatigué, à 6h. T'es fatigué. Alors bon, tu vas manger un bout. Surtout quand il faut jouer à 8h. Ah oui, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on était un peu tous dans la même merde, donc ça va. C'est bien débrouillé. Ouais. On a pris soin les uns, les unes, des autres et des autres. Voilà. C'est, la compagnie des Bisounours. Sachez que si vous voulez faire jouer Psychrophore, n'hésitez pas à contacter Lucas Distro ou Pyongyang City Rockers. On vous transmettra leur contact pour les faire jouer. Et visiblement, ils sont très gentils et très sages. Ah ouais. Et ils s'entendent bien. Ce soir, ils s'aiment comme des enfants. Bah ouais. Et bah puisque c'est comme ça maintenant, on a des grands tourments, et ça va être quoi? PA, je crois que. Là, il a des rimes en heure. Il a plein de rimes en heure. Ouais. Moi, j'ai des guns. Il a des guns parce que du coup, je voulais enchaîner avec des fights, mais du coup, ça va. C'est Saturday Gun Fever? Ouais, c'est Saturday Gun Fever, exactement. C'est tout à fait ça. C'est, pour moi, c'est une découverte du mois dernier, un petit peu par hasard, chercher groupe punk grec. Et puis je tombe sur un truc genre Gun Fever. C'est Google qui t'a dit ça. Et Google, ouais, mais il me parle au très fond de moi-même. Et puis y a un copain qui m'a dit je reconnais cette voix. C'est pas des mecs qui viennent de nulle part, n'est-ce pas Gaël? Mais grave, en fait, moi quand tu m'as balancé, en fait, le morceau que tu m'as balancé, je chantais un morceau de son autre groupe. Je me dis, ça me fait trop penser à Chain Cult. Tu veux pas nous chanter? J'ai vérifié. Et effectivement, c'était le chanteur de Chain Cult. Ah ouais. Et bon, ça ressemble quand même un peu à Chain Cult, même si c'est pas vraiment du Chain Cult. Pas vraiment, parce que moi, Chain Cult, ça m'avait. Qu'on voit pas bien. Ça m'était passé carrément au-dessus du cigare, tellement je trouvais ça un peu plat. Hein, écoute, plusieurs fois. c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel quand même. Par contre, Gun Fever, je trouve qu'il y a ce petit côté un petit peu plus castagneur, un petit peu plus. Je pensais que tu allais dire un petit côté Travolta. Oui, castagneur quelque part, hein, Travolta. Quand il tout fait tourner sa veste quelque part. Dans La fièvre du samedi soir, il est castagneur. Il est un petit peu bagarreur. Tout à fait. Ça part en. Bref, c'est une démo 4 titres. Il faut laisser parler là, ils sont très bons là. C'est une démo 4 titres sortie en cassette et dispo sur leur Bandcamp. Moi, les cassettes, je supporte pas. Ça va sortir en 7 pouces. Ça va sortir en 7 pouces. Ça va sortir en 7 pouces. T'inquiète pas. Ah bah voilà. C'est bien les cassettes. Heureusement que t'es là, parce que franchement, toute ma jeunesse. Dead End par Gun Fever. Tu vas me lancer le papier plus gentiment, s'il te plaît. Mais rien du tout. Avec tout ce que j'ai appris hier soir. C'est tir au bien, c'est tir au cœur. Avec tout ce que j'ai appris hier soir, il y a rien sur Radio Campus. Oh là là. Il y a Vincent Ressensi, il a réussi à se refrayer un passage jusqu'au studio. Il y a un micro qui fonctionne. Là, tout à l'heure, il était dehors, il dit putain, on m'invite et puis je parle plus 10 minutes. Voilà. Ouais, j'étais hyper déçu quand même. Ouais. C'est moi qui viens de plus loin et je parle, ouais, c'est bon, je fais un peu de peinture. Mais tu vas t'arrêter. Ouais, c'était un peu déçu, quoi, tu vois. C'est sympa, ouais, tu fais de la peinture. Ouais, ok, ciao. Tout à l'heure, on parlait que tu faisais des DJ sets, mais c'est des DJ sets de quoi? De ska, de reggae, de mods, de punk, de oi. Le Ricard tout Musette, ça mélangé. C'est le concept des riri. Est-ce qu'on peut reconnaître tes goûts musicaux à travers tes pochoirs comme à travers tes DJ sets? Exactement. Non. Donc, pas mal d'heures les réglées, pour ma part. Sol, je suis très mauvais, mais les copains, ils sont bien meilleurs. Alors, tout ce qui est Norden, tout ça. L'ego aussi voudrait que tu n'aimes pas tant que ça la rue. Qui ça? Les gossips, les on dit. Ah, ouais, non, pardon. Hey, non, il a dit qu'il n'était pas très bilingue, hein, je te rappelle. Hein. Non, mais j'étais en train de chercher le nom de quelqu'un, Léo. Pas suivi, et... toi, hein. Non, c'est parce que vous parlez tous bizarres, je suis d'accord. Avec moi-même, c'est bien. Si, j'aime bien, là, oui. Mais après, en DJ set chez nous, c'est vrai que DJ set, pas Didier set. Ouais, Didier Vampas. Après, il dit qu'on parle mal, mais t'as vu, il dit Didier 7. Moi, je dis plus rien, j'ai encore me prendre plein la gueule. Déjà qu'il a distribué des annonces, des infos de ce qu'il a appris sur moi hier dans le Grand Sud. Là, j'attends de voir ce qui va me tomber sur la gueule. Non, c'est je croyais que t'étais mon ami, putain. Non. Non. Là, au moins, on l'a enregistré. Hein. J'espère bien. C'est un peu plus compliqué chez nous, quand dans le sud, tout ce qui est oi et punk. Ouais. On est. À part vos 4 dates annuelles. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a une raison à ça. C'est culturel, clairement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, culturel? Marseille est une ville de rap. Mmh. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours eu des groupes punk et oi qui sont sortis, mais on peut les compter sur les deux doigts de la main quand même ces 20 dernières années. Alors un peu plus. Et là je vais pas te les citer, mais un peu plus. Mais il y avait un super mur qu'a fait Patrice Poche à la Cité des Arts à Marseille, où il avait repris un peu le fil des années 80 jusqu'à maintenant avec tous les groupes. Si vous voulez faire une vraie émission sur le punk là-dessus marseillais, il faut voir Momo Disagri. Intéressant. Ouais. Ouais. Parce que moi, là, en tête, il y a la flingue. Ouais. Et puis, c'est tout, quoi. Après, en haut, il y a Warrior Kids. Ouais, il y avait P38. Mmh. Ouais, qui devient après, tu vois, il n'y a pas d'autres groupes qui me viennent en tête, là, de Marseille. C'est vrai. Donc, il y en a peut-être beaucoup, mais comment ça se fait qu'on ne les connaît pas? Non, il n'y en a pas beaucoup, non. Alors, il y a du rock'n'roll, ouais. Mais ouais. Lollipop Records, c'était marseillais, non? Ouais. C'est toujours marseillais. C'est toujours et ça existe toujours. Ça existe toujours. Ouais, d'accord. Ouais. Il y a toujours Effervescence aussi à Marseille. Non, c'est Crapoulet. Crapoulet, ouais. Ah, oui. Effervescence, c'est Toulouse. Ah, il y a Marseille. Ah bon? Ça me parle. Non, c'est Toulouse. Il y a peut-être une succursale. Ça n'existe plus maintenant, c'est fini. Ça n'existe plus, Effervescence. Ouais. Bon, bref, il y a plein de trucs, quoi, quand même, à Marseille. C'est quoi ce bordel? En fait, vous les cachez? Ouais, parce que. Ouais, c'est... Moi, je suis allé 3 fois à Marseille en tournée. Et tu t'es régalé? Non, pas du tout. C'est vraiment les dates que je. T'as joué où? 3 fois la sale gueule. Ouais. Bah, il faut viser plus haut maintenant. Oh merde, putain, ils vont me casser la gueule, la sale gueule. Alors, viser plus haut, ça veut dire où? Non, tu peux jouer au Molotov déjà. Tu es un peu plus grand, puis faire la sale gueule, c'est... C'est l'avant Molotov, hein, puisque c'était la même bande qui a d'abord repris la sale gueule, puis après qui a grandi et qui a repris l'ancien Balthazar. Et qui fait quand même une grosse prog. Hein. Ça existe encore, la machine à coudre? Eh non, malheureusement. C'était bien, ça a fermé avec tous les ennuis qu'il y a eu rue de Noailles, enfin Noailles, les effondrements d'immeubles. Et comme tout ce quartier-là, en fait, à partir du moment où l'immeuble s'est effondré, il y a plein d'immeubles qui ont été fermés rapidement. T'as remarqué qu'à Lille, on vous suit, hein, maintenant on a aussi les immeubles. Ben ouais, malheureusement, ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu nous as ramené? Et par contre, le rap n'a pas ses problèmes. Pardon? Le rap n'a pas ses problèmes. Ben non, Je creuse. Non, non, mais après, c'est rigolo, anecdote. Ayam, dans les années 80, il jouait à la Maison Hantée, qui est quand même un bastion du rock'n'roll marseillais depuis des décennies. Mais ils ont fait leur première date par là-bas, quoi. Donc ça, c'est rigolo. Et j'ai un ami qui avait un t-shirt de la Maison Hantée, et donc Akhenaton est passé dans la rue, il fait « Oh, super t-shirt, ils ont un peu tapé la discute ». Donc c'est pas mal, il n'a pas oublié ses racines aussi, le gars, donc ça fait toujours plaisir. Il est toujours à Marseille. Toujours. T'as plein de gens, quand ils deviennent très très célèbres, très célèbres, ils partent ailleurs, je sais pas, Los Angeles, regarde, Pierre, Avignon. Il est parti. Il est parti. Tu vois, notoriété, le prestige, tout ça. Bah, évidemment. Moi, depuis que je suis un artiste connu et reconnu internationalement, je suis cassé de la ville, quoi. Tu vois. Depuis que t'es senior météo, tu es connu et reconnu, en fait. Et exactement. Je suis la Evelyne Delia du street art français. Et du coup, tu alternes entre charentaise samba et senior météo. C'est assez sympa. Voilà. J'aime bien, moi. Ouais, mais j'espère qu'il y a une petite paire de Birkenstock quand même qui traîne par là, quoi. Chaussettes. Je suis contente de ne pas l'avoir faite, celle-là, parce que déjà qu'on n'est plus amis, là, je pense que lui m'aurait envoyé. Parce que t'arrives pas à le dire, c'est ça? Si, je sais le dire. Dis-le, s'il te plaît. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur de la musique, puis après, on pourra aller au compte en antenne. Je serais passer de la musique, parce que là... Alors, vos histoires de pelouse, là, j'en comprends rien. Il faudrait que tu aies un groupe qui s'appelle la I7, un truc comme ça, non? Non. Après Birkenstock, ça aurait pu le faire. Ah, puis ouais. En plus, on a déjà passé du la I7. Voilà. Ah, j'étais pas là, j'ai dit beaucoup de choses de la I7. Qu'est-ce qu'on va écouter, cher monsieur Stevayer? Alors, on pourrait faire un truc, vu qu'hier, on a posé ensemble un pochoir assez casual. Un petit Oasis peut-être? Ah non, oui, histoire de pour calmer tout le monde, tout ça. J'en connais un qui va lever les bras là. Ouais, et à mon avis, on risque tous de chanter en levant les bras parce que ça le fait bien. Hein. You're my wonder world. Non, pas celui-là. I'm so sad. Can we? Très bon. Ouais, c'est bon. C'est lequel? C'est celui-là, celui que tu as chanté, ouais. Ah. Oasis sur le 106,6. Don't look back in anger. Thank you. On a vraiment... Jérémy a pas mis les micros aussi. Voilà, c'est vraiment de la musique de footballiste. Ah oui, du footballisme dans ta radio, dans PCR. Je suis très déçu. Ah non, c'était beau. On connaît les gens. Moi, j'appuie sur plus. Ouais, en même temps, il y avait plein de gens qui ont levé les bras. Ça a chanté dans le bar de Radio Campus, dans l'espace détente convivialité. Ce qui est à tort en fin de journée, d'ailleurs, lever les bras. Et bah du coup, t'as encore un titre à passer, peut-être, au RPA. Monsieur Pratchik, à café, hein. Et mais, les punks, pour rattraper la sauce un petit peu, quand même, j'ai un quatrième morceau qui s'appelle... Le groupe s'appelle Savage Heads. Ils viennent de Boston. A priori, c'est un groupe qui existe depuis un moment, mais je le connaissais pas vraiment trop. Ils ont mis plus de 8 ans depuis leur premier EP pour pondre le premier album, Service to Your Country. Voyez-vous, entre street punk et punk hardcore, un peu au début de Casualties, mais en bien. Et non, mais en plus, c'est bien les vieilles casualties, je dis des conneries, mais. Mais... horrible casualties. Le premier album est très bien. Alors là, c'est mieux, et en plus, sans le côté sapin de Noël. Bien, merci. Donc là. Tu as critiqué Oasis. Mais ça n'a aucun goût. Et oui, c'est à cause de mon beau-frère. Je sais pas si le vinyle est trouvable, mais il faut farfouiller un petit peu sur le net, on trouve ça facilement. Savage Heads, Scapegoats. Allez, hein. Allez. Allez. Trop court. Non, moi je garde le casual, je prends la tease, je te laisse le tease, la musique, et on est bien. On va teaser. Excellent. Voilà. La suite. La suite. Allez, Vincent, là. Allez, tu contre-attaques avec quelque chose. Là. Oui. Allez. Ah bah oui. Ah bah tu étais à Boston en fait. Et ouais. Oh putain, tu fais les gros yeux, j'ai peur. Et peut-être le groupe de ma vie avec ma chérie, ça reste à Dropkick Murphys. Voilà. Même si ils vieillissent, on est d'accord. Ouais. Mais on les suit depuis le début. On est allé les voir jouer à Boston. On est fan, on va dire quoi. Et t'en penses quoi des deux derniers? Je viens de dire, ils ont vieilli. Il est poli. Et puis une version acoustique. Ouais, c'est interdit, ça. C'est leur côté Bruce Springsteen qui ressort, c'est ça qui est con. Ouais. Moi, j'aime bien Springsteen. Bruce Springfield, il n'y a pas longtemps. C'est le frère de Dusty. Et je ne sais plus le titre, parce qu'en fait, je suis... Tu nous as choisi le morceau qui s'appelle Going Out in Style. Ah ouais, bien. Celui-là, il est pour mon poteau Xavier, parce qu'on s'est toujours dit que le jour où on ne serait plus sur cette terre, eh ben, on mettrait ça devant la tombe. Voilà, super, allez. C'est une rubrique nécrologie sur ce, on va aller creuser, hein, du coup. Ouais. Ah ben bah, c'était pour ça, la terre de Remblay, ton prélateur de Remblay, je comprends mieux. Sights and traveled many miles, shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies, and now I see the world through these subtle jaded eyes. So what if I threw a party and all my friends? fuck I'm walking through the door. Maybe they'll feel bad for me and the stiff will finally score. You've got the bet already. And the nerve and courage too, cause I've been slugging from a stash of Desi Quayle's 1980s bathtub. Soak me down with whiskey, roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give a shit, I'm going out in style. They can take my urn to Fenway's, but my ashes all about. Bring me down the wall, you beat your duck to suck her out. Burn me to a rotten crisp and toast me for a while. I can really give a shit, I'm going out in style. Bury me with an enemy in my cavalry. You can stab me on a pyre and soak me down with whiskey. Roast me to a black and crisp and throw me in a pile. I can really give a shit, I'm going out in style. Dropkick sur Campus 106,6 Pyongyang City Rockers pendant encore 14 minutes à peine. Psychrofort, on rappelle que vous jouez ce dimanche avec en compagnie de Vacarme et Short Days, mais vous, c'est pour une occasion spéciale, la sortie de votre premier album. Woohoo! qui s'appelle Why Should We Care. Excuse-moi, le public n'était pas à fond. Alors, je fais le public toute seule. Ouais. En folie, n'est-ce pas? Le morceau là qu'on a choisi pour le dernier morceau de Psychrofort pour cette formidable release party. Formidable émission de Pyongyang City Rockers, voulais-je dire. C'est un morceau qui s'appelle Time and Again et qui parle du fait que voilà, on peut arriver à un certain point dans la scène avec pas mal d'années derrière nous et que finalement, au-delà de la nostalgie, on trouve toujours notre compte dans la scène punk et que ça nous permet de rester un peu vivant. Voilà. Oh, c'est beau. Chou, chou, chou, chou. Ouais. On est, c'est notre soirée bisounours. C'est vraiment un groupe de bisounours en Psychrofort. Hein. Ils sont très bisounours. Hein. On fera pas la définition de Psychrofort pour ce soir, du coup. Hein. Si, je la rappelle. Le Psychrofort est un instrument inventé au 19e siècle, destiné à préserver les hommes de la masturbation, de l'onanisme, n'est-ce pas? Constitué de deux tiges de métal réfrigéré qu'on introduit dans l'urètre masculin. Ben, ah, c'est un rigole-moi, là. Et là, on attendait tous sa réaction. Ouais, parce que vous l'avez tous eu avant. On connaît l'histoire. Mais c'est dégueulasse, quoi. Et nous sommes le seul groupe au monde à nous appeler comme ça, curieusement. Tout de suite, Time and Again, sur les ondes de Radio Campus. Arrêtez de vous branler. Some of the job and some did not. Some have the children, some did not. Some c'était Psychrophore avec leur morceau Times and Again. Merci bon, à eux. Time, en fait. Il n'y a pas d'ess. Oui, mais je. Tu comprends? Tout à l'heure, en fait, je rajoute des Z. Je rajoute des S là où il y en a pas. Et j'en oublie là où il y en a. C'est la Jerem's Touch. C'est. Voilà, chacun sa patte. Sa patte. Monsieur. Alors, c'est Az. Ça va bien, Z? Moi, ça va bien, Z. Qu'est-ce que tu nous vas nous parler, Z? Alors, crutches. Je vais passer crutches. Je crois qu'à chaque fois que je viens, d'abord, il y a du suédois. Et en plus, je passe un morceau de crutches. Okay. Ça doit être une fois sur deux ou quelque chose d'accord, comme ça. Ça, c'est quand on est vieux qu'on a ce genre de petite touquette. J'ai besoin, sinon j'oublie tout. Les touquettes. En fait, ils viennent de sortir un album. C'est pour ça que je passe un titre. C'est un titre, pardon. Et le nom de l'album, c'est Dead Year Valien, si je ne m'abuse. Dead Rebellion, bref, Veillée Mortuaire. C'est sorti chez Phobia Records, chez Profane Existence et Not Enough, rien que ça. Et puis bon, voilà, c'est peut-être un peu plus, je trouve, il y a plus monotone que ce qu'ils ont, que les précédents albums. Black Trombone. Il y a beaucoup de mots qu'il faut éviter avec Audrey, sinon ils commencent à chanter. J'ai remarqué. Alors, ils ont peut-être pris un virage macroniste, mais en tout cas, le titre du. Ah oui, parce que c'est le titre du morceau veut dire nous marchons. Il y a un gamin qui m'a traité de Macron cette semaine. J'en parle plus tard. C'est normal, t'es une figure d'autorité. Macron vin blanc ou Macron. Enfin bref. voici Vivandrar Vidare. Donc nous marchons, nous sommes en marche. Ah, oui, encore une histoire de lutte contre le capitalisme ou des trucs du genre. Ouais. Voici Crutches. Bah oui, voilà, c'est fini, c'est fini quoi. Et bah oui, c'est fini, il reste plus que 5 minutes, juste le temps de passer un titre, Vincent, parce que t'as pas quand même pas passé beaucoup de choses, et puis on t'a imposé du crust et tout ça, t'as quand même des belles choses à passer, toi. Je vais aller prendre une douche. On est d'accord. Ça pue des pieds, c'est ouais, on va finir avec un classique, des mecs qui m'ont piqué le nom d'une expo que j'avais fait à Paris, ouais, c'est des salauds. Dis qui c'est. Je sais pas si on les c'est cite les de couilles. Ouais, voilà, eux-mêmes quoi. Et avec le Where Are They Now, c'était une expo, une des premières expos, enfin ma première expo solo à Paris, qui a été fait à Belleville dans une friche, enfin la friche. C'était fort rigolo. Bah, sauf après quand je me suis aperçu qu'ils avaient piqué le nom qui claquait tellement bien et qu'ils en ont fait une chanson. Ça, j'ai trouvé ça, mais... C'est petit de leur part, tu vois. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on continue, qu'on reste... Et qu'on devient une légende. Mm. Donc, on va dire quand même de qui il s'agit. Des latteurs de couilles. Allez, dis-le. Allez, coach par heure. Et puis, on va tout doucement remercier tous nos invités d'être passés ce soir. On remercie tout le monde, ouais. Merci Picrofort, merci Vincent, merci PA. On vous retrouve dans vos œuvres respectives. Merci pour l'accueil. On vous retrouve les fois prochaines où vous viendrez, parce que j'en doute pas. Tu peux lancer, je pense, non ? Sinon, dimanche, un rappel, Picrofort release party en compagnie de Vacarme et de Short Days dès 20h, 19h. Ouais, 19h. Au 4 rue de Colmar, à Lille. De toute façon, il y a à boire, c'est arrivé trop tôt. Ouais. Voilà. Bon, les canettes, la semaine prochaine, on fait qu'une seule heure de Pionnier Hostie Record. Ça sera la 272e. Pour l'instant, on vous laisse en compagnie de Nico. Et on n'oublie pas. A cab. They're all gone.